Des chiffres seulement, des chiffres, c'est incroyable. Les Américains, ils s'en vont à peu près à 1500 milliards de déficits qui s'ajoutent à la dette chaque année. Maintenant, on est tellement habitué à des chiffres astronomiques auxquels aucun économiste ne pouvait songer il y a à peine 10 ans. 1500 milliards de déficits par année. La dette accumulée, 16 000 milliards, un peu plus d'ailleurs, soit dit en passant. Mais tu te dis, mais c'est incroyable, comment? Et puis en même temps, on s'entend toujours pas sur où est-ce qu'on coupe. Puis tu regardes ce qui se passe en Europe, tu regardes, c'est partout. Les seuls qui sont responsables sont les Chinois, c'est à se demander. Et puis là, j'ai peur. C'est à se demander si c'est pas la dictature qu'il faut. Parce que les élus sont toujours conditionnés par... Parce qu'il faut savoir que la majorité des électeurs ne paient à peu près pas d'impôts et sont ceux-là même qui reçoivent le plus de l'État. Alors, on est devant... Ouais, je pense pas que la dictature pourrait y changer grand-chose. On échangerait un problème qu'on connaît pour nos grands problèmes historiques qu'on a déjà connus. Observe ce qui se passe en Chine, quand même. C'est quand même... Pour un temps, ils ont leurs difficultés, puis ils ont leurs difficultés. Mais je te ferai remarquer qu'ils arrivent de mauditement plus loin que le monde occidental. Il faut savoir, pour comparer, d'où ils sont partis par rapport à nous. Comparons la Chine à l'Occident dans les 40 dernières années ou dans les 30 dernières années, depuis que Deng Xiaoping a été au pouvoir. C'est quand même phénoménal. On parle d'un pays de 1,4 milliard de population qui vivait dans une pauvreté phénoménale et qui aujourd'hui est toujours davantage, à chaque jour, gagne, grignote, nous donne des leçons. Et puis il faut savoir, je sais que ce que je dis là, ça peut faire peur, mais en même temps... Il faut le constater. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Et les faits sont les suivants. Les Chinois, partout et toujours, progressent, achètent chez nous maintenant, achètent en Europe, achètent en Amérique du Sud, financent la dette américaine. C'est pas rien, je te ferai remarquer, Denis. Financent la dette américaine. Et pendant que nous, les connards, on consomme comme des irresponsables, parce que c'est là qu'on débouche sur le terrain de l'essentiel, pendant qu'on consomme comme des irresponsables, en s'endettant individuellement et collectivement, ben eux, ils économisent, et puis ils produisent, et puis ils travaillent. Je te dis pas qu'on devrait travailler comme eux, mais il se trouve que leur progression depuis 30 ans, ça tient du phénomène. On est seulement 8 millions au Québec, les problèmes qu'on a, c'est d'une insignifiance sidérale, et pourtant... On est incapable d'y faire face. Ils sont moi, milliard. Je penserais jamais qu'on a à s'inspirer d'une tyrannie qui peut apparaître comme ayant certaines qualités à certains moments. J'aimerais mieux qu'on s'inspire des démocraties qui marchent. Tu soulèves souvent le cas de l'Allemagne. Il y a beaucoup de pays scandinaves qui fonctionnent relativement bien. Alors, moi, j'aime mieux aller vers les démocraties qui sont capables d'avoir un citoyen éclairé puis qui sait moindrement compter et qui sait qu'à long terme, c'est de son propre intérêt dont il est question également quand on parle de déficit des finances publiques. Je t'arrête tout de suite parce que l'exemple de l'Allemagne et l'exemple des pays nordiques, malheureusement, on ne peut pas l'appliquer ici parce qu'il nous manque quelque chose qu'ils ont puis qu'on n'a pas. Les Allemands sont hyper disciplinés. Les Allemands valorisent la technologie. Les Allemands ne courent pas pour aller à l'université. Les Allemands n'ont pas toujours été comme ça. On y reviendra. Alors, 60% des Allemands, des jeunes Allemands, après le secondaire, s'en vont, vont dans des secteurs techniques. Oui, mais ils ont appris à faire des choses. Ils n'ont pas toujours été connus pour ça, les Allemands. Okay, ils sont connus pour ça depuis près d'une centaine d'années.